Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre étude d'Apocalypse et on va regarder le chapitre 18. Donc, si vous trouvez que ça va vite, arrêtez la vidéo, prenez le temps de lire chapitre 18 une ou deux fois avant. Ensuite, ça, faites la vidéo. Ça va vous aider si vous pensez que ça va un peu vite. Je le répète, je le fais vite parce que c'est des images. C'est des images de victoire. Le chapitre 17, c'est une victoire sur la grande prostituée. Et le chapitre 18, c'est une victoire sur la grande Babylone. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous fais contempler à l'avance la fin. Hier, on a vu la fin de la grande prostituée assise sur la bête écarlate. Aujourd'hui, on voit la fin de la grande ville Babylone. Et nous voulons nous unir au ciel pour te glorifier. Amen. Donc, on a vu hier la grande prostituée qui était assise sur un système politique qui, pendant un temps, on lui a laissé croire qu'elle contrôlait, on lui a laissé croire qu'elle manipulait. On lui a laissé croire qu'on l'aimait, mais finalement, tous les rois, toute cette politique, cette ville-là, qui était bâtie sur cette colline, va se revirer de bord contre cette femme-là, contre cette prostituée-là, contre la mère de toutes les prostitutions, et on la détruit, on mange ses chairs, on la fait disparaître. Mais maintenant, ceux qui ont fait disparaître la grande prostituée vont aussi disparaître. Maintenant, regardons la grande Babylone qui va être aussi détruite, qui elle aussi va tomber sous la colère de Dieu, sous le jugement de Dieu. Chapitre 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Et les rois de la terre se sont liés avec elle à la débauche. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double de selon ses œuvres. Dans la coupe où elle est versée, verse-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donne-lui de tourments et de deuils, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine et je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car elle est puissante, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Donc, on continue ce qu'on avait commencé hier avec la grande prostituée, qui avait été appelée aussi la grande Babylone, qui est appelée aussi la femme ou la grande ville. Et je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et il proclame, il crie, elle est tombée, Babylone de la Babylone la Grande, elle est devenue une habitation de démons et de tout esprit impur, de repaire et de tout oiseau impur et odieux. On parle ici à la façon de l'Ancien Testament où ce que, comme un peu Pierre qui dit, Seigneur, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Ici, on parle, on décrit l'impureté de cette femme-là, de cette grande prostituée-là, de cette grande Babylone-là. On en parle en utilisant des termes d'impureté. Les démons, les oiseaux impurs et odieux. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça? Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Et les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc, cette femme, cette mère de toutes les prostituées, cette religion-là, qui est supposée représenter Dieu, est un trou rempli de prostitution, de démons, de débauche spirituelle. Toutes les rois de la terre et tous les marchands de la terre se sont enrichis à ses dépens. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés. Il dit au peuple, Jean incite, dit à l'Église, dit à toutes les gens de toute l'histoire de l'Église, ne participez pas à cette grande Babylone. Ne vous affiliez pas avec la grande prostituée. Ne faites pas de marchandage avec elle. Ne couchez pas avec elle, parce qu'elle va tomber, elle va être détruite. Elle va subir la colère de Dieu. Dieu va la détruire en pas grand temps. Il dit, elle s'est glorifiée de son luxe, elle s'est glorifiée de ses richesses. Je vous garantis, si on regardait dans l'histoire du monde, les grandes religions de ce monde, on serait surpris à quel point ils sont riches. Ils sont riches. Ils manipulent tous les gens de la terre afin de s'enrichir. Et tous les marchands et les hommes politiques se servent d'elles pour s'enrichir. Les marchands n'aiment pas la grande prostituée, n'aiment pas la grande Babylone, mais ils côtoient avec elle, ils font alliance avec elle. Pourquoi? Parce qu'ils s'enrichissent aux dépens de sa folie, de ses désirs de grand luxe. Au verset 8 dit, à cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Donc, il dit, elle est riche, elle est puissante. Qu'est-ce qui était riche au temps de l'Église, ou dans ce temps-là? C'était Rome. C'était l'Empire romain. Rome était le centre du monde. Et tous les marchands du monde, tous les rois du monde faisaient alliance avec Rome, qui était à ce moment-là l'Empire romain. Donc, ils font alliance. Il dit, ne vous affiliez pas avec eux. Vous êtes mieux de supporter leur haine, leur rejet, la souffrance qu'ils vous imposent, la mort avec laquelle ils vous frappent. Supportez-la. Mais ne faites pas alliance avec elle, parce que Dieu va la juger, il va la détruire. Vous êtes mieux de souffrir pour un peu de temps à cause d'elle. Mais elle va souffrir éternellement de la part de Dieu. Continuons à lire au verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu son jugement. Et les marchands de la terre pleurent. Ils sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne ne jette plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment et pleureront et seront dans le deuil et diront malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient, ils disaient « Malheur, malheur !» La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. C'est ce que je disais il y a quelques instants. On a vu au chapitre 17, que les rois, les sept têtes, les dix cornes, avec la bête, la première bête, vont faire la guerre, ils vont détruire, ils vont manger les chairs de la prostituée, de la grande prostituée. Et c'est la description ici. On détruit la grande Babylone et ce système religieux, ce système qui encourageait les religions dans le monde, il fallait ça, ça rapporte des milliards et des milliards et des milliards de milliards par année. La religion est un source de gain épouvantable. Donc, Dieu va mettre un dessein, comme on le voit au chapitre 17, un dessein à tous ces hommes-là politiques, à tout ce système-là de puissance sur la terre. Ils vont se laisser convaincre de détruire la grande Babylone, la grande prostituée. Mais un coup qu'elle est détruite, tous les marchands du monde pleurent parce qu'ils vont faire faillite. Qui va acheter toutes leurs marchandises? Qui va acheter toutes leurs marchandises? Qui va acheter toutes leurs pierres, leur or, leur émeraude pour construire leur palais et leur temple? Qui va acheter leurs aromates et leurs fin lin et leurs habits et tout ce que vous voulez? Qui? Toutes ces religions qui proclamaient la pauvreté comme étant quelque chose de bien, toutes ces religions qui encourageaient les gens à donner, s'enrichissaient. On s'est surpris de voir ce que les grandes religions du monde possèdent en dehors du système religieux apparent qu'ils ont. J'ai entendu dire des choses que des grandes usines, des grands complexes financiers, ça appartient à des mouvements religieux. Qui, les marchands sont tristes, les grandes compagnies sont tristes. Pourquoi? Parce que plus personne qui achète leurs marchandises. La religion est une source de gain. Une source de gain pour la grande prostituée et une source de gain pour les gens qui faisaient, dont la grande prostituée dépendait, pour combler son besoin de richesse. Une prostituée, vous savez, ça charge l'argent, ça coûte cher une prostituée. Il y en a qui en vivent des prostituées. La grande prostituée faisait vivre bien du monde, mais là, elle n'est plus là. Lisons le verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan domestique quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux ou de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient les grands de la terre, et toutes les nations ont été séduites par ton enchantement. Et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et ce dernier verset nous dit, réjouis-toi, réjouis-toi, ciel, et tous ceux qui sont dans le ciel. Tous les croyants, tous ceux qui ont le sceau de Dieu, tous les enfants de Dieu, dit, réjouissez-vous, car Dieu vous a fait justice. Tous ceux qui vous faisaient mourir depuis tous les temps, tous ceux qui s'attaquaient à vous à travers l'histoire du monde et qui vous ont détruit parce que vous m'apparteniez. Réjouissez-vous, Dieu vous a fait justice en faisant mourir la grande prostituée, en détruisant la grande ville, la grande Babylone. Justice vous a été faite. Justice vous a été faite. On vous a fait souffrir? Vous avez accepté de souffrir. On vous a fait mourir? Vous avez accepté de mourir pour moi. On vous a malmené? Vous avez accepté d'être malmené. Mais aujourd'hui, elle est morte, la grande prostituée. Elle est détruite, la grande Babylone. Et c'est terminé, c'est éternel. Jamais plus elle ne va réapparaître. Et ça va se faire d'une façon subite, vite. Elle va être détruite. Un peu comme on prend une meule pour la jette dans la mer, elle disparaît. De la même façon, elle va disparaître. Frères et sœurs, mes chers amis, je sais que j'ai lu vite, j'ai fait un résumé. Chapitre 17-18 parle de la fin de tout mouvement religieux dans le monde. Ça va être terminé. Parce que les mouvements religieux utilisent les puissances économiques et politiques pour ces fins. Mais les puissances politiques utilisent la religion pour ses fins aussi. Et Dieu va détruire les deux. Il va détruire la grande prostituée pour toujours. Puis on va voir qu'il va détruire aussi la bête politique dans la dernière guerre d'Armageddon. Donc les deux bêtes vont être détruites. La bête religieuse en premier. Et Dieu va utiliser la bête politique pour tuer la bête religieuse. Ensuite, il va détruire la bête politique aussi, que nous allons voir au chapitre 19 la semaine prochaine. Et c'est pour ça qu'il dit, restez attachés. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ne vous affiliez pas à la grande prostituée. Ne vous affiliez pas à la grande ville, à la grande Babylone. Restez attachés à moi. Car un jour, je vais la détruire. Je vais la punir. Je vais vous venger. Je vais vous venger. Peu importe comment on comprend tous les petits détails là-dedans. La grande vérité, je crois, que Dieu veut donner à travers ces deux visions-là, c'est que votre pire ennemi, qui étaient les religieux, comme au temps de Jésus, les pires ennemis de Jésus, c'était quoi? C'était les religieux juifs. Les pires ennemis des apôtres, dans les actes des apôtres, c'était les chefs religieux, autant juifs que grecs. Ceux qui se sont acharnés contre toi, qui vous ont fait mourir par millions et par millions depuis 2000 ans, un jour, je vais les détruire toutes les deux. Premièrement, la grande prostituée, la grande ville, la grande Babylone. Notre Père du ciel, merci. Merci de venger le sang de tes enfants. Merci d'avoir fait mourir la grande Babylone, la grande prostituée. Merci que tu nous as fait justice. Merci que ta colère nous a fait justice et t'a fait justice aussi. Parce que toutes ces religions blasphémaient ton nom. Parce que tu nous as donné ce principe fondamental. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc, en détruisant nos ennemis, tu as détruit tes ennemis. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.